Chapitre 17e. On était au 19 décembre, deux jours avant le lundi fixé pour l'exécution de Humphrey Vargas, et aucune commutation de peine n'avait encore été prononcée. Néanmoins, à voir la foule accourue au rendez-vous de chasse, il était clair que la majorité des habitants de ces parages ne songeaient pas au terrible sort du condamné. C'était la première grande fête cynégétique de la saison. Sur la route passaient des véhicules de toutes les formes, y compris des fourgons remplis de provisions pour les cavaliers qui n'avaient pas voulu s'arrêter au château. Les chevaux étaient groupés sur une pelouse et les piqueurs surveillaient l'ordre général. Outre les habits rouges des chasseurs, on distinguait quelques femmes de fermiers, aux joues rubicondes comme des pommes à cidre. Madame Upham, la femme de l'avocat, qui, au dire de tous, eût été mieux à sa place à garder les enfants que perchée sur le cheval de son mari, Miss Morrison, à côté de son père, dont l'habit râpé avait la prétention d'être rouge, Madame Tudley, la femme d'un major en demi-solde, lequel semblait avoir plus d'or sur ses manches que dans ses poches. Enfin, sur un cheval de sang, une belle et élégante jeune personne en habit d'Amazone d'une coupe irréprochable et des plus correctes. C'est la plus belle et la meilleure écuyère du comté, Lady Frances. Comment Lord Batchmardean et sa fille peuvent-ils avoir des chevaux d'un aussi grand prix? Demanda Madame Tudley à Madame Upham, en regardant d'un œil d'envie la superbe monture de Lady Frances. « Je vais vous l'expliquer, » répondit Jacques Upham, car sa femme était trop occupée à maintenir son cheval qui piaffait pour répondre à cette question. « C'est par la raison, » reprit-il, « que Lord Batchmardean sacrifie tout à ses écuries, contenant et contenu, et qu'il vit avec la plus stricte économie pour satisfaire ses goûts de sportsman et ceux de ses enfants. » L'habit d'Amazone de Lady Frances est certainement le vêtement le plus dispendieux de sa garde-robe, reprit Madame Dudley. Je ne dis pas pour cela que ce soit le seul qui lui aille bien, riposta Upham, car la simplicité de sa toilette n'en exclut pas une suprême élégance. Il est vraiment regrettable qu'elle ne se marie pas, dit Madame Dudley d'un air compatissant. Elle a bien le temps, se récria Madame Upham. Elle n'a pas encore 20 ans. La trouvez-vous jolie femme? Non, certes, elle est trop mince, trop brune, trop anguleuse. Mais quels yeux! Quels beaux yeux! Je n'ai jamais dit qu'elle fût affreuse, reprit avec aigreur Madame Tudley. Lady Frances et son frère, Lord Baville, étaient entrés dans le bois pour se rapprocher de Dora Blake et de ses nièces. La belle Amazone se penchait de temps en temps vers Tenny, qui de toute la famille était celle qu'elle préférait. Morton se tenait à côté du phaéton de Sir Everard, près de qui Dulcy était montée. Je voudrais bien savoir pourquoi Miss Courtenay ne chasse pas, demanda Lady Frances à Clémentine Blake. « Tout ce que je puis vous dire, riposta-t-elle, c'est que Morton condamne cet exercice pour les femmes. « Ah, vraiment ? » s'écria Lady Frances d'un ton piqué et en rougissant. « C'est pour cette raison que je ne chasse pas, reprit Tiny, quoique j'ai un cheval qui est peut-être un des meilleurs sauteurs qui existe. Vous connaissez bien Papillon, vous l'avez vu franchir les obstacles. Morton s'est toujours opposé à ce qu'aucune de nous se livrât à un genre de plaisir qui lui semble essentiellement réservé au sexe fort. » Pour un libéral, c'est bien autoritaire, reprit Lady Frances, mais les politiciens n'en font jamais d'autres. Ah, eux aussi peuvent bien répéter le mot célèbre, faites ce que je dis, mais non ce que je fais. Lord Baville était venu avertir sa sœur que le signal du départ allait être donné. Alors tous les deux se dirigèrent du côté de la voiture de Sir Everard, près de laquelle caracolait Morton. Il paraissait n'avoir Dieu que pour Dulcy, et ne prendre aucun intérêt à la chasse. Il indiqua à Sir Everard un chemin qui lui permettrait de suivre longtemps les chasseurs. « Oui, père, » s'écria Dulcy, « ce sera charmant. Morton n'a jamais que d'excellentes idées. » Ce jour-là, la matinée était radieuse. L'horizon, tranquille et pur, promettait un temps admirable. Un doux vent du sud-ouest agitait les dernières feuilles des arbres. L'air était imprégné des senteurs vivifiantes des pins. La rivière, sur laquelle planait un ciel sans nuages, ressemblait à un large ruban de moire bleue au reflet d'argent. Morton jouissait plus du plaisir de la promenade que de la chasse. Il n'était pas un chasseur passionné comme son père, qui préférait au plus beau soleil un temps de brouillard favorable au flair et à la piste. Le cheval de Morton galopait sur le gazon, au bord de la route. Lady Frances et son père le dépassaient par instants, tout en échangeant avec lui quelques paroles. Tous trois étaient d'anciens amis. Avant d'être fiancé à Dulcy, Morton passait une grande partie de son temps à Blatchmardean, jouant au billard avec Lord Beville, causant de questions agraires avec le vieux lord, se promenant dans le parc, tantôt à pied, tantôt à cheval, avec Lady Frances. Lorsqu'il fut fiancé à la fille de Sir Everard Courtenay, on ne le vit plus que rarement à Blatchmardean. Personne ne s'en formalisa. C'était la conséquence inévitable de l'attrait que Fairview avait pour lui. Mais Lady Frances ressentait très vivement cette privation, car les visiteurs étaient rares au château. Les ressources du budget du vieux duc ne lui permettant pas d'avoir table ouverte, les élégants sportsmen ne venaient jamais ni chasser ni déguster les faisans de Lord Blatchmardean. Pour égayer la solitude de sa sœur, Lord Beville lui avait appris à manier le fusil, à monter à cheval, à jouer au cricket. Tous deux vivaient en bons camarades, autant qu'en frères et sœurs tendrement unis. Morton, ami de collège de Lord Beville, était naturellement souvent en tiers dans leurs promenades et dans leurs jeux. Et au moment où toute la famille s'imaginait que Lady Frances Granges deviendrait Madame Blake, Morton s'était épris de Dulcie, qui n'avait nullement été tenté de le réduire au désespoir par un refus. La tante Dora, dans sa sagesse, en avait décidé autrement. Aussi se permit-elle de faire quelques observations à son neveu. Il lui répondit catégoriquement que tout en aimant beaucoup Frances, il n'avait jamais songé à l'épouser. À quoi Miss Blake ripostait « Pourvu que l'idée ne lui en soit jamais venue. Elle a des goûts un peu masculins, mais il est incontestable qu'elle est gracieuse, spirituelle, séduisante, et je m'imaginais que... » « Je ferais ce qu'il ne me convenait nullement de faire, » répliqua Morton en interrompant sa tante. C'est ainsi que les femmes trop clairvoyantes se trompent souvent dans leurs prévisions. Après cette algarade, il ne fut plus jamais question de Lady Frances entre Morton et tante Dora. De son côté, Frances ne parut nullement froissée du choix de Morton. « Votre frère, disait-elle aux sœurs de ce dernier, ne pouvait mieux placer ses affections. On prétend que la perfection n'est pas de cette terre, mais Dulcie semble démentir cette assertion. » Les voitures avaient fini par renoncer à suivre la chasse. On était arrivé à Garfield Gorse, endroit sauvage, situé sur le versant d'un ravin couvert de sapins. Les chasseurs retenaient non sans peine leurs montures entraînées par l'ardeur de la course, et l'on n'attendait plus que le cri « en avant ». Dès qu'il eut retenti, les chiens s'élancèrent les premiers. Derrière eux venaient les chasseurs, à la tête desquels étaient Lady Frances et Morton. « Suivez-moi !» s'écria l'intrépide Amazone en lançant son cheval au triple galop. « Il n'est pas un pouce de terrain que je ne connaisse de longue date, n'est-ce pas splendide ? » ajouta-t-elle, tout en galopant suivi de Morton, des piqueurs et de quelques chasseurs intrépides. Bien qu'il n'aimât pas que les femmes se livrassent à ce genre d'exercice, Morton ne pouvait s'empêcher de reconnaître que jamais Lady Frances ne lui avait paru si belle qu'en ce moment, animée comme elle l'était par le plaisir de la chasse. Tout à coup, elle cria à Morton d'un ton d'audace indescriptible « Ah, il a peur de l'eau. Eh bien, vous allez voir. Non, de grâce, je vous en conjure, faites le tour plutôt que de tenter un saut si périlleux. » lui riposta Morton. « Moi, faire le tour » cria-t-elle avec une moue pleine de dédain. « Ah, ce serait chose curieuse en vérité. « Eh bien, si je passais par Londres, qu'en dites-vous ? Ce serait encore plus prudent. Vous n'êtes pas forcé de me suivre, si vous craignez le danger. Mais qu'est donc devenu Lord Beville ?» Les chiens étaient déjà de l'autre côté de la rivière. Ce n'était pas le moment de chercher des yeux le cavalier. « Adieu, adieu !» reprit Frances en s'adressant à Morton et en faisant vibrer en l'air un coup de cravache qui fit partir Primus comme un trait. Morton ne voulut pas se laisser congédier si cavalièrement et suivit l'intrépide Amazone. La rivière était profonde, le sol en pente rugueux, un chasseur venait de faire panache, comme on dit familièrement, et courait après son cheval, qui, sans que son cavalier s'en doutât, avait déjà sauté de l'autre côté de la rivière. Frances ne se laissa pas impressionner par la mésaventure de cet infortuné, se croyant meilleure écuyère que tous les centaures du comté et des alentours. « Ce doit être quelque homme de bourse. » « Cavalier inexpérimenté, » pensa Morton, qui a follement lancé son cheval à travers les obstacles. En même temps, celui de Frances recula en apercevant la surface argentée de la rivière, fit un écart, ensuite un bond furieux qui désarçonna la cavalière, la projetant contre un arbre sur lequel frappa sa tête. Étourdie par le coup, elle s'évanouit. Morton se précipita vers elle, espérant lui faire reprendre connaissance en versant sur les lèvres de la jeune fille quelques gouttes de rhum qu'il avait dans un flacon. À ce moment, Lady Frances fit un léger mouvement, ouvrit les yeux, en regardant autour d'elle d'un air étonné. « Où sont les meutes ? demanda-t-elle sans avoir conscience de sa fâcheuse situation. « Je crains qu'elle ne soit bien loin. Voulez-vous prendre un peu de rhum? Vous souffrez, j'en suis certain. » « Merci, Morton, de votre sollicitude, » lui dit-elle en repoussant le flacon qu'il lui présentait et en portant la main à son front. « Je ne saurais rien prendre en ce moment. Qu'est devenu Primus? Il est sur l'autre rive, sain et sauf. Votre groom l'a rattrapé. N'ayez aucune crainte de ce côté. Dieu soit loué. Il m'importe peu d'être contusionné, mais je serais inconsolable s'il était arrivé malheur à mon cheval. Croyez-vous que nous ayons chance de rattraper la chasse? Je ne vous conseille pas d'essayer, » reprit Morton. « Si vous m'en croyez, vous monteriez sur mon cheval et je le conduirais en main jusqu'à une ferme voisine, où nous attendrions le retour du groom, que j'enverrai ensuite à Blatchmardine chercher une voiture. »« Quelle humiliation pour moi !» s'écria Lady Frances. « Puis, je ne voudrais pas vous priver du plaisir de la chasse. »« Ce ne saurait maintenant en être un pour moi, » dit-il en raccourcissant les étriers de son cheval et en plaçant sur la selle le plus confortablement possible la belle Amazone. Nous allons à la ferme de Holbrook, » dit-il au groom. « Retournez à Blatchmardine et faites envoyer une voiture à la ferme pour prendre Lady Frances. » Le groom obéit, au fond peu satisfait de la mission qu'il avait à remplir.